Mes amis, vous êtes là, ça me rassure. J'en peux plus. Vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive. La direction de la radio m'a collé un coach au cul pour que je m'améliore dans mes relations avec le reste du personnel et aussi au niveau professionnel. Oh putain, c'est un enfer. Bon, Gérard, tu me suis, d'accord? Mais tu dis rien. Ne soyez pas si pessimiste que ça, Helmut. Je suis là pour vous aider. Ouais. Les coachs, les consultants, j'aime pas ça, hein. C'est embrouille et compagnie. Je sens comme de l'hostilité dans vos propos. Je suis un ami, vous savez. Ouais, un ami. Si t'étais un vrai ami, tu serais pas là. Ah, 2 secondes, bouge pas, je l'ai le comptable. Hé, hey, ça roule, tête de fion! Helmut, ce n'est pas une façon de saluer un collègue comme ça. Soyez plus aimable, plus convivial. C'est meilleur pour le moral de l'entreprise. Ouh, tu commences à me courir sur le goumille, consultant! Vous comprenez que j'en puisse plus! En fin de journée, c'était l'enfer! J'avais les nerfs à fleur de cuir! Alors, le soir venu, alors que j'allais voir les gars du fraisier, super ambiance dans le fraisier, il est encore là à m'attendre! Alors évidemment, bah oui, vous me connaissez, ça a un peu dérapé. Salut les gars! Hey, regardez! Je suis pas venu les mains vides! J'ai plein de bibines avec moi! Helmut, je ne crois pas que la présence d'alcool soit une bonne idée en milieu professionnel. Ça rend agressif et les rapports deviennent plutôt malsains. Oh, mais ta gueule! Vous voyez, vous venez d'illustrer parfaitement mon propos. Tu veux de l'illustration? Eh ben, je vais t'en donner, mon GG! Et avec l'équipe du fraisier, on lui a pété la gueule! On l'a recouvert de schnapps, on lui a mis le feu, et après, on lui a tous fait pipi dessus! Ah, ça, je peux vous dire qu'il faisait moins le malin, le GG, quand il s'est réveillé à l'hôpital Cochin au service des grands brûlés! En plus, je suis tranquille, il est pas prêt de l'envoyer son rapport à la direction, hein. Le temps que ses doigts repoussent, ça va prendre au moins 2-3 ans. Oh, bon, je vous laisse, faut que j'aille vomir. Ah, oh, ce week-end, j'ai dû consommer une fille pas fraîche. Allez, au revoir.